Je vois qu'il est 8h, donc on va aller très très vite. Je passe sur le reste parce que je voulais... Bon, il y a eu d'autres films, évidemment, en 84. Il y a eu une dernière vidéo co-réalisée avec Gérard Poitou qui était déjà une tentative pour essayer de sortir de la Maison de la Culture en créant peut-être une future maison de production. Donc on avait accepté une commande de la Chambre de Commerce. Mais tout ça n'est pas très intéressant. Ce dont j'ai plus envie de parler, toujours en gardant cet angle d'une unité de production audiovisuelle, culturelle, ouverte à des cinéastes. C'est du très beau film de Daniel Jégui, Mon tout premier baiser. Et je ne savais pas quelle serait la soirée, mais puisque tu es là, Daniel, j'aimerais bien que ce soit toi qui le présente. C'était... Merci pour cette introduction. Et c'est un film que je voulais... où je voulais des trucages. Et j'avais déjà essayé à Raël, je m'étais porté sur un matériel très lourd pour essayer de faire des datant d'époque, pour essayer de faire des trucages. Puis j'étais rentrée sans que rien ne soit fait. Puis tout d'un coup, les portes, grâce à toi, grâce à l'équipe de la Maison de la Culture, les portes se sont ouvertes là-bas et on s'est amusé à faire les trucages dont j'avais rêvé. Donc j'étais très contente. Voilà. Alors, l'histoire du film, quand même. L'histoire du film, eh ben, c'est mon tout premier baiser où je reprends le journal que je tenais quand j'étais adolescente. J'avais raconté mon tout premier baiser et c'était avec quelqu'un dont j'avais suivi de loin en loin, parce qu'il était journaliste et scientifique, La Trace. Et je l'ai convoqué sous un prétexte fallacieux et j'ai lu des extraits de mon journal. Piégé, oui. Voilà. Donc, je propose qu'on regarde l'extrait, parce que malheureusement, l'heure tourne. On a un petit rab. On a un petit rab. Pour engager la discussion, parler de la fin de la Maison de la Culture, évidemment, et puis engager la discussion. Le troisième numéro était le bon. Comme prévu, mon nom ne suscita pas de réaction. Rendez-vous fut pris samedi 11 juin 1983. Je m'étais jetée à l'eau comme je m'étais jetée dans le baiser il y a très longtemps. 12 avril 1961. Finalement, il m'invita et dès la première danse, il m'a serrée contre lui. J'ai répondu à son désir et à la première danse, le disque certes était long, il m'a embrassée. D'abord la nuque, puis le visage, puis la bouche avec la langue. Je me suis absolument laissée faire. Nathalie avait raconté, quelques jours auparavant, comment elle avait flirté pendant ses vacances de ski. J'avais envie de faire la même chose, et j'avais même décidé d'embrasser un garçon l'été prochain. Mais je n'aurais jamais pensé que je me laisserais faire à la première danse chez des gens que je connaissais. J'étais sûre qu'il m'avait oublié, une soirée sans importance à Salary-sur-Mer. Pour mon ami Al F., il était inconcevable d'oublier un baiser donné ou reçu. C'est ce que nous allions voir. Il accepta de parler du nucléaire devant une caméra vidéo. Repérage. Sous prétexte de chercher une bonne lumière, l'entraîner dans un décor romantique, digne de mon tout premier baiser. Comment me présenter, m'habiller? Pas de pantalon. Femme. Exprès, je choisis une robe genre rétro. Quand je vis arriver un homme aux cheveux gris, l'air très sérieux, j'eus soudain le trac. S'il prenait ça très mal. Après tout, je le dérangeais pour rien. Voilà. Et vous ne saurez pas la fin. Pour ça, il faut voir le film. Un superbe film quand même, je tiens à le dire, parce que je ne suis pour rien, donc je peux le dire. Et c'est vraiment un très très beau film, il faut voir. qui doit beaucoup à toi et à Daniel Bertin. Merci. Daniel Bertin. C'est Daniel Bertin, c'est le technicien. Voilà, donc c'est sur cette image-là que je voulais terminer mon expérience à la Maison de la Culture d'Orléans. Vous aurez compris qu'à travers tous les extraits, il y a un fil conducteur. Parce qu'en fait, c'est une grande histoire d'amour, cette histoire de production et de coproduction à Orléans. En juin 84, Irène Agère, désavouée par son président et lâchée par le ministère, est licenciée par l'association de gestion de la MCO. Ses animateurs historiques se solidarisent avec elle. Je pars pour La Rochelle, où je m'occuperai de production audiovisuelle. Fini l'animation et l'exploitation cinématographique. Ensuite, je pense que Gérard, qui a vécu la fin de la Maison de la Culture, et Philippe sont mieux placés que moi pour en parler. Donc je leur laisse la parole pour raconter. Oui, la fin n'est pas grand-chose à en dire. On a survécu un an après le départ d'Irène. Dans une structure autogérée, c'était assez curieux, il n'y avait plus de directeur, donc on a continué à faire un peu ce qu'on voulait, chaque animateur. Donc moi j'ai continué effectivement l'activité de production, etc., mais quand même avec des moyens réduits, puisque Pierre était parti, nous étions revenus à deux, et le côté, là, je dirais, finalement, cet aspect de production n'avait jamais été assumé par l'institution, par la structure, et donc... Quand un nouveau directeur est arrivé, en la personne de Claude Malric, il m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai dit, je vais un peu expliquer. Et ça ne correspondait absolument pas à son projet de nouveau directeur de la structure. Il m'a proposé, on revenait à la case départ. Il m'a dit, si vous voulez, vous pourriez filmer mes spectacles. C'est une bonne idée. Voilà. La même histoire partout. On revient à zéro. Et donc je suis parti avec, dans les cartons, effectivement, un projet de société de production indépendante. Qui a vu le jour à ce moment-là. Voilà. Après quelques péripéties. Avec Philippe. Nous sommes. Enfin, moi, je ne suis pas dans la Maison de la Culture. Hein. Non. On est bien d'accord. Ah. Non. Ils ont fait nos premières armes à la Maison de la Culture. Voilà. Ça se termine comme ça. Et si, simplement, le matériel vidéo, qui était quand même un bel équipement à l'époque, hein, c'était quand même. C'était assez top niveau. Comme le directeur ne savait pas quoi en faire, il me dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça. Je lui dis peut-être que ça pourrait servir à l'école des Beaux-Arts. Donc on a tout donné à l'école des Beaux-Arts. Et quand le matériel est passé à l'école des Beaux-Arts, c'était assez drôle parce que le directeur m'a convoqué, il m'a dit dis donc, ça coûte cher ce truc-là, ça va être cher à assurer. Merci. De rien. Cadeau empoisonné. De rien, monsieur le directeur. Voilà. Et ça a permis. Pendant quelques années de développer une activité qui n'a pas vraiment eu de suite, du reste à l'école des Beaux-Arts, avec un matériel qui était quand même. Mais qui n'a pas été entretenu, qui est très vite tombé en panne. Enfin, c'était assez lamentable. Mais bon, le principe, après ces belles images. Je m'aperçois que je n'ai pas assez insisté sur mon concept de la vidéo du deuxième temps et du retour du refoulé. Donc il va falloir me réinviter une autre fois pour le retour du cinéma dans la vidéo. À la discussion, mais déjà c'est déjà une tâche quotidienne, mais il serait important quand même de préciser un peu quel a été ensuite le devenir de ces bandes. Et là, je me tourne du coup vers Julie Guillaumeau, donc responsable patrimoine de Cyclique. Et puis, je pense aussi que Natacha Tilou pourra peut-être un peu expliquer comment les choses reviennent. Parce qu'à un moment donné, voilà, il y a des personnes qui s'y intéressent, il y a des fonds qui sont entre guillemets redécouvert, et puis je pense déjà que Gérard Poitou il sait plus précisément ce qui s'est passé juste derrière pour les bandes. Nous, ce que je sais, c'est qu'en fait, donc Cyclique a ouvert depuis 2006 des archives régionales au sein de cette agence qui est un grand établissement public pour aujourd'hui le livre, l'image et la culture numérique. Et donc, on a des archives qui conservent du film amateur et puis aussi du film professionnel, même si on cherche avant tout du cinéma amateur. Et en fait, c'est Sans Soleil qui est venu nous voir en 2010 ou 2011, qui est représenté aujourd'hui par Nadège Tillou, et elle était avec Vianney Lambert, qui avait un projet de documentaire autour de la Maison de la Culture d'Orléans, et en fait, qui sont venus nous dire qu'il y avait des films aux archives départementales du Loiret qui étaient en train de pourrir, bon, en même temps, elles étaient au moins conservées par une institution, qui avait eu apparemment un qui avait suivi un itinéraire compliqué parce qu'ils ils avaient déjà transité par les archives municipales d'Orléans avec des archives papier qui sont toujours conservées par les archives municipales d'Orléans, mais évidemment 278 bandes, c'est toujours compliqué à conserver, d'autant plus que les services d'archives classiques ne savent jamais trop quoi faire du film, et alors la vidéo c'est encore pire parce qu'on n'est même pas très sûr ce qu'il y a dessus. Donc les archives départementales qui avaient un tout petit peu plus de moyens ont accepté de prendre finalement, je crois que c'est un don ensuite aux archives départementales, de prendre cet ensemble de vidéos et auquel a été adjoint, alors ça je ne sais pas à quel moment, 25 bandes sonores qui traitent de l'histoire d'Orléans mais qui n'ont rien à voir avec la Maison de la Culture puisqu'elles ont été enregistrées entre les années 60 et les années 60. En gros, entre 62 et 75. Et donc, après des pourparlers avec les archives départementales, grâce à Yana et Nadalda, on a fait le dépôt de ces bandes, qui sont donc conservées pour l'instant à Issoudun, là où se trouvent les archives de Cyclic. À charge finalement pour nous de retrouver les ayants droit pour essayer de signer des conventions de cession pour qu'ils puissent être utilisés. Notamment dans le cadre du projet documentaire de Vianney Lambert autour de l'expérience vidéo de la Maison de la Culture, mais évidemment pour plus largement qu'il puisse être diffusé. Et donc j'essaie de faire ça rapidement. La dernière étape de ces bandes, ça va probablement être un nouveau dépôt à la BNF pour que le fonds puisse être entièrement traité, parce que la plupart des numérisations qu'on a vues ce soir ont été faites par Cyclic, mais la particularité en fait de la conservation de la vidéo, enfin je pense qu'ici je ne l'apprends pas particulièrement, mais c'est quand même des bandes qui ont des formats compliqués et qui demandent une expertise assez poussée. Enfin, évidemment, nous, vous vous rendez compte que déjà on a la chance d'avoir des nettoyeurs de vidéos à Cyclic, on est obligé à chaque passage de repasser la bande dans le nettoyeur avant de le mettre dans le magnétoscope. Et là, en plus, on a été obligé de mettre en place un système encore plus compliqué parce que le transcodage ne supportait pas les bandes. Donc, ça va être entre les mains des spécialistes de la BNF et qui sauront peut-être tirer plus de signal que ce qu'on a réussi à extraire des bandes. Avec l'aide encore une fois de Vianney Lambert qui a numérisé, qui a passé du temps aussi à Cyclic pour transférer lui-même un certain nombre de bandes. Donc là, je pense qu'en 2015, il faut qu'on signe un avenant avec les archives départementales du Loiret. Une fois que l'avenant avec les archives départementales sera signé, on pourra faire une convention avec la BNF pour que le fonds soit numérisé. Il va ensuite probablement retourner à Cyclic et on espère, une fois que nous, on aura fait un travail aussi juridique sur le fond, qu'il puisse être disponible sur notre site internet pour pouvoir être consultable, en fait, gratuitement en ligne. Et puis, probablement aussi sur Gallica Vidéo, qui devrait se développer dans les années à venir. Ah oui, je sais pas, donc c'est une nouvelle. Sur Gallica Lab, la nouvelle version de la bibliothèque numérique Gallica. Qui va remplacer l'actuelle, mais qui pour l'instant est en présentation en double de la version traditionnelle pour que les internautes puissent juger et faire des suggestions. Et bien, vous avez maintenant une vidéo qui annonce l'amorce. On a choisi une vidéo qui s'appelle Au fait, qu'est-ce que la vidéo, qui a déjà été présentée ici, mais qui est l'amorce effectivement d'une collection de vidéos qui sera mise en ligne. De vidéos, bien sûr, dont les droits auront été traités avec les ayants droit, bien entendu, pour une diffusion gratuite. Ouais. Tu peux peut-être rappeler l'ampleur du fonds de la MCO, parce qu'il y a un certain nombre, évidemment, de cassettes, de supports, mais évidemment, il y a des films, enfin, parfois, il y a plusieurs cassettes. Il y a 80 films, à peu près, qui ont été produits, en fait, au sein de la MCO. En fait, il y a 278 éléments. Donc, j'ôte les 26 bandes sonores qui n'ont rien à faire avec le fond de la Maison de la Culture d'Orléans, mais qui finalement en ont fait partie pour nous au départ, qu'il faut qu'on extrait. Il y a 132 humatiques qui sont a priori plutôt en majorité quand même des masters de montage, mais pas seulement. Bon, Non, non, il y en a quelques-uns. Les dernières, les plus récents, sont forcément des masters de montage. Tous les autres sont des copies, donc au moins, au minimum, une cinquième génération de cassettes. Oui, oui, oui, mais oui, j'appelle ça master de montage. C'est vrai que c'est peut-être pas... Les masters étaient en 1 pouce. Oui, oui. Et donc, il y a 18 bandes 1 pouce, 83 demi au demi-pouce et 17 quarts de pouce. Parce que je ne sais pas trop ce qui a été tourné en quart de pouce, parce que la plupart du temps, les tournages, notamment les tournages avec les scolaires ou en action culturelle, ce qui est fait en demi-pouce... Beaucoup de scolaires ont été tournés en quart de pouce. Au tout début, parce qu'après on a arrêté de l'utiliser, mais en 76-77, quand j'ai créé des ateliers sur temps de loisirs avec des jeunes, adolescents, etc., on utilisait plus facilement le quart de pouce parce qu'on les laissait partir quelquefois dans la nature des journées entières. C'était moins risqué et puis c'était plus léger. Donc la caille quart de pouce, il a été utilisé peut-être jusqu'en 77-78. Et puis après, on l'a mis au rancard parce que c'était vraiment une qualité d'image un peu limite, quoi. Mais ça marchait bien. Ce que je pense, c'est peut-être ça que vous, Hélène, que je dis, c'est que ce qui est intéressant dans le fond de la Maison de la Culture d'Orléans, c'est qu'il y a quand même à la fois des choses qui ont été produites à la Maison de la Culture, ou alors aidées, même si mon tout premier baiser ne s'y trouvait plus, ni non plus rejoint les professionnels. Mais moi, je pense que Patrick Mettet, si on le retrouve, il a une copie du film. Je pense qu'il allait la prendre. Il a dû la récupérer, oui. Bah oui. Et puis il y a aussi tout ce que vous montriez, je pense, soit dans les vidéos du fait, soit dans toutes les séances de diffusion de la vidéo, parce que c'était quand même une dimension importante. Vous avez été un pôle de diffusion, à tel point qu'il y a quand même un catalogue qui existe, qui était distribué avec l'ensemble des films que vous pouviez montrer en prêt ou même envoyer à d'autres centres de vidéo en France. Et donc, notamment, on avait retrouvé dans le fond en vidéo... des films de Thierry Nouel qui étaient disparus et qui n'existaient que... Il y a des films de Thierry, il y a des films des Loulous, il y a des films de Jean-Paul Fargier et Daniel Diéguy, il y a des films de tous les gens qui sont venus présenter des choses à Orléans. Ouais. Et... Donc voilà, il y a des choses qui sont complètement inédites dans ces 250 bandes et qui restent à explorer, puisque nous, évidemment... on ne peut voir et numériser que de l'humatique dans l'ensemble de son. Donc, il y a environ une cinquantaine de bandes qui ne sont pas du tout étiquetées et on n'a pas la capacité de lire tout ce qui est en dessous du humatique. C'est vraiment important de dire qu'à Cyclique, de manière générale, il y a quand même un gisement incroyable de vidéos, notamment des premiers temps, et un autre fond encore plus considérable. En termes de volume, j'entends le nombre d'éléments, c'est le fond de la Maison de la Culture de Bourges. Tu me disais qu'il y avait 2000 éléments. Oui, qui est une autre expérience. Mais par exemple, tout à l'heure, tu parlais de Wonder Products, qui a beaucoup travaillé. Les gens de Wonder Products ont travaillé beaucoup avec la Maison de la Culture de Bourges. Et donc, la Maison de la Culture de Bourges, le secteur vidéo s'est créé en 77. Et ils ont fait des films jusque dans les années 90, même jusqu'autour de 2000. Avec à chaque fois des périodes différentes qui correspondent aux directeurs de la Maison de la Culture de Bourges qui chaque fois ont mis ont amené leur conception du secteur vidéo. Donc la particularité de Bourges, c'est qu'à partir des années 80, d'une part il y avait très peu d'actions culturelles comme c'était le cas à Orléans, mais à Bourges ils ont beaucoup accueilli des artistes, je dirais des plasticiens, du cinéma expérimental. Il y avait aussi, un peu comme à Orléans, l'idée que du matériel était disponible pour monter avec un équipement qui était extrêmement sophistiqué et de pointe pour l'époque. Donc il y a 2000 bandes. Donc c'est pour ça que finalement, la Maison de la Culture, 280, c'est pas grand-chose. Il y a 2000 bandes et surtout beaucoup de rush. On est en train d'essayer au moins d'extraire du fond de la Maison de la Culture tout ce qui est montage, sachant qu'il y a eu un premier travail de fait sur 300 bandes autour de toute la partie de captation de spectacles, qui a aussi moins d'intérêt pour les créateurs vidéo, mais qui a quand même un intérêt pour les spectacles. Et là, c'est déjà une partie qui est mise en ligne. Ça a surtout l'intérêt de montrer ce que les directeurs des établissements de décentralisation culturelle pensaient que la vidéo pouvait faire. C'est-à-dire qu'en fait, les directeurs des établissements, toute la production, que ce soit celle de Thierry à Annecy, celle des gens de Montbéliard, partout où il y a eu de la production, une vraie création, et où le matériel n'a pas été confisqué par les animateurs eux-mêmes, comme à La Rochelle ou à Bourges en partie, partout où il y a eu une production, elle s'est faite en opposition, elle s'est faite soit de façon clandestine, soit en opposition avec la direction des établissements, qui, quand ils étaient dirigés, comme c'était le cas à 90% par des gens de théâtre, enfin des gens de spectacle vivant, ces gens-là considéraient que la vidéo était à leur service et qu'elle ne devait être servie qu'à capter, qu'à laisser une trace de leurs impérissables œuvres créations. Oui, alors, c'est très négatif comme vision, quand même. C'est la réalité telle que, c'est la réalité telle que nous l'avons vécue, nous. Parce qu'il faut bien voir que toutes ces productions qu'on a faites, on les a faites sans un sou, parce que l'argent était réservé aux productions du spectacle vivant, aux productions des directeurs. Avec Irène Agère, qui ne produisait pas, on avait la liberté, mais on n'avait pas tellement plus d'argent. Aussi le fait qu'il y avait quand même déjà une obsolescence qui était très rapide, ce qui faisait qu'un très bon équipement qui était acheté au début des années 80-82, dès 85-86, ça commence à être un frein pour l'activité vidéo. Moi aussi, on était obsolescent, hein. On nous invite. Non, mais après, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu aussi des choses dans un cadre institutionnel qui sont intéressantes, qui se sont faites à Bourges, à la fois en 83, il me semble, justement, la Maison de la Culture de Bourges est une des premières, et il y a toute une opération de mémoire qui est menée avec l'historien Pascal Horry, et on a des entretiens avec les premiers directeurs de la Maison de la Culture de Bourges qui sont vraiment intéressants. Il y a à la fois aussi, je pense même en 89, des choses qui sont faites autour de la Révolution qui ne sont pas forcément de la création de la culture, mais ont un vrai intérêt en termes d'animation locale. Enfin, je pense que c'est quand même un fond. C'est un fond qui est exploré parce que à chaque fois, finalement, les individualités créent des choses, même au sein d'un système. Pareil, on parlait tout à l'heure de... C'est Patrick Hublin. Non, j'ai perdu son prénom, mais Hublin, qui était le responsable... Serge Hublin. C'est le responsable du secteur vidéo à la fin des années 70 et jusqu'au début des années 80. Il fait aussi des choses qui sont intéressantes. Il met en place une sorte de magazine qu'il essaye de diffuser, une sorte de volonté de télévision locale, avec l'idée aussi de penser la vidéo. Enfin, Ligeon Ligeonnet est embauché par la Maison de la Culture de Bourges Pour faire ses propres créations. En 80-82, il fait... C'est une confiscation de l'outil par un artiste. En décembre 82, où il y a quand même 14 créations en vidéo qui sont faites... De Ligeon Ligeonnet. Non, pas que Ligeon Ligeonnet. Il invite aussi des artistes différents, donc il y a aussi plein de choses intéressantes qui se sont faites. Même si c'est un axe complètement différent, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les réseaux de création, c'est pas les mêmes artistes qui travaillent avec. Non, mais après, oui, il y a l'histoire, il y a toujours les copains et les coquins. Mais Ligeon Ligeonnet à Bourges, c'est un vrai scandale. C'est vraiment la confiscation d'un outil d'action culturelle par un artiste pour faire sa propre création. Voilà. Il y a Fortaleza. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Si quelqu'un a des questions, on va devoir rendre la salle. Moi, je veux bien insister sur le fait que les images, elles ont quand même tout le temps dans les cadres. Et qu'en fait, il n'y avait pas eu hasard, en tout cas, pour cette d'Orléans, il n'y avait pas eu hasard que Gérard a discuté un jour avec Yannick ces images et que lui, il a eu envie d'aller voir. Ça a été très long aussi de les faire sortir des archives départementales parce qu'il a fallu passer par des signatures de conventions qui étaient très très longues à négocier, je ne sais quoi. Donc c'est tout un parcours du combattant et quand on voit finalement, il y a plus de 30 ans pour qu'on puisse les regarder aujourd'hui et peut-être qu'on pourra en faire, enfin, qu'elles pourront rentrer dans l'histoire du cinéma et de la vidéo, ça me paraît assez impressionnant. Et donc la question de la mémoire de toute cette époque, effectivement, elle est le centre, je pense. Il y a la question de la mémoire de toute cette période où il y a le feu de la vidéo qui s'efface. Enfin, c'est en question, mais ça s'efface quand même, c'est ça. C'est ça qui était bien. Oui, bah c'est oui. Là, c'est ce que j'avais vu. C'est vraiment aussi bien le cinéma. Par rapport à toute la problématique des images amateurs et des images super vite, où il y a une mémoire Enfin, dans sa façon de regarder ces images, il a, donc je vais me faire un peu son porte-parole, mais il voit aussi toute une problématique politique derrière, et en particulier à travers la confrontation de deux visions de la culture, qui est donc le départ d'Irène Agère, mais aussi de politique, et c'est la victoire de la ville et de Lufiel, donc une vision de la culture comme divertissement contre une vision de la culture comme moyen d'expression populaire. Complètement. Et donc ça, c'est vraiment intéressant aussi de voir à travers ce prisme-là. Paradoxe, le foisonnement, même si on n'est pas tout d'accord sur ce qu'on aurait dû faire avec la vidéo, c'est qu'il y a un support qui donne beaucoup de liberté et un éventail de possibilités énormes dans des lieux où je pense que la culture régionale en France n'avait pas de vision aussi large que celle qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que la vision culturelle des années 70 en province est quand même des visions soit étriquées, soit liées, ce que tu disais, au théâtre, enfin à la culture traditionnelle. Et les 30 ans, 40 ans qu'on passe à faire sortir tout ça, c'est aussi de dire, vous avez dans vos caves et vos archives des trésors qui rendent compte d'une culture foisonnante, mais non codée, enfin, qui ne rentre pas dans votre vision de la culture. C'est lié aux années 70, bon, on va pas refaire, enfin, on en a parlé aussi pas mal ici, tout ce qui s'est passé dans les années 70 et qu'on recommence à voir aujourd'hui comme source de ce qui se passe maintenant. Mais le paradoxe, c'est aussi que ces fonds régionaux, ils devraient être développés par des archivistes et des gens qui n'ont aucune culture de ce qu'on a fait nous. Voilà. Et c'est cette espèce de joint là qu'il faut essayer de faire. On avait chacun des visions un peu différentes, mais on peut dire que tous les endroits où il y a eu la production comme ça, c'est des trésors que les gens ne veulent pas voir. Et on a le même problème à Annecy, pour ressortir toutes ces archives qu'ils ne veulent pas voir, ça prend des années. Et le problème, c'est que ça risque de disparaître, nous avec, et l'histoire est un peu en péril. La Rochelle, la Rochelle, c'est perdu. Oui, l'intérêt, c'est que là, on avance, comme je le disais tout à l'heure, c'est des gisements. Hein, donc, oui. Je pense que là, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Oui, mais plus que dans la Rochelle, la Rochelle, c'est perdu. Perdu complètement. Ouais, on peut dire aussi, peut-être qu'on est un peu frustré et on s'est dit de ne pas donner plus de place au projet que vous venez représenter pour Vienne et Lambert. Je propose que peut-être quand le projet de film sera avancé, etc., qu'on y consacre davantage de temps, parce que je pense que c'est un cas vraiment intéressant de mise en valeur et de remise en circulation publique, au-delà de cercles un peu limités comme ceux dans lesquels on organise le séminaire, de cette production. Alors, pour terminer, je vous indiquera que la prochaine séance du séminaire, donc vidéo des premiers temps, se tiendra de mémoire. Je crois que c'est le 23 mars. Le 23 mars. Autour des fonds du collectif Vidéo 00 avec Yvonne Mignot-Lefebvre et Michel Lefebvre. Finalement, malheureusement, Marie-Thérèse Martinelli ne pourra pas venir cette fois-ci présenter le fonds autour de Vidéo 0031, mais d'autres séances seront l'occasion de même travailler sur ce fonds important de vidéo qui est arrivé à la BNF, qui est restauré. Avec donc Michel Lefebvre et Yvonne Mignot-Lefebvre, l'idée est de travailler simultanément sur leurs archives écrites, puisque là il y a un fonds très important qui est arrivé, qui ne concerne pas que évidemment leur collectif, mais vraiment tout l'environnement, évidemment de la vidéo des premiers temps, et plus largement d'ailleurs du cinéma de l'époque, des années 68, disons. Et on pense, mais c'est à confirmer, faire un focus sur l'expérience d'Alma Futur. Enfin, une information, ça vous l'avez reçue, et je pense qu'on se permettra de vous la renvoyer par mail, des journées autour d'Hélène Chatelain, cinéaste mais aussi vidéaste, vont se tenir entre le Centre Pompidou et la Parole-Errante les 27 février, 28 février et 1er mars. Et je signale tout de suite que le samedi après-midi sera consacré vraiment aux expérimentations vidéo d'Hélène Chatelain. Notamment, on verra un film très intéressant, « Deux jours dans la jupe des Minguettes » en 1972, qui est une vidéo militante réalisée par Hélène Chatelain, Stéphane Gatti et Jean-Jacques Ocard, qui n'est pas du tout connu. Et il y aura aussi une partie de l'après-midi consacrée à des vidéos qu'Hélène Chatelain a co-réalisées avec Nadia Ringard, co-produites par La Parole Errante et le Centre Brique de la Simone de Beauvoir, notamment « Pourquoi les oiseaux chantent ?» Vidéo des deuxièmes tours, mais dans la lignée quand même des premiers temps, assurément. Voilà, donc on espère vous y retrouver nombreux et nombreuses. L'ouverture, donc tout est entrée libre, l'ouverture le vendredi soir au centre de Pompidou, en présence d'Hélène Châtelain, qui sera là pour le colloque d'Armand, enfin des journées d'Armand Gatti et de Jean-Jacques Aucard, verra la projection, en même temps que je me lève, au champ public devant deux chaises électriques. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On le laisse sur les... Sébastien, si tu ramasses pas les copies, faut que j'enlève ça avant.